Prendre sa revanche. Le mercenaire Bob Denard n'a que ça en tête après son échec à Cotonou en 1977. Nous l'avons vu samedi dernier avec M. X, ce collaborateur intermittent de nos services spéciaux a joué un rôle trouble dans cette opération armée qui visait à renverser le président du Bénin, Mathieu Kérékou. Mais, manipulé ou non, c'est Denard qui porte la responsabilité apparente de cette débâcle. Et dans un métier où la concurrence est rude, où il faut soigner son image de marque auprès des clients, c'est-à-dire faire la preuve de son efficacité, le mercenaire doit rebondir. Alors, une nouvelle fois, la France va lui offrir une occasion d'exercer ses talents très particuliers dans l'archipel des Comores. Un point d'histoire avant d'écouter M. X. C'est au XIXe siècle que les quatre îles qui composent l'archipel au parfum, comme on l'appelait autrefois, sont colonisées par la France. Les îles ont été islamisées au XIIe siècle, mais à Mayotte, peuplée de malgaches et de créoles, il existe une forte minorité chrétienne. Ce particularisme va peser sur l'histoire mouvementée de l'archipel, puisqu'aujourd'hui encore, cette île demeure française, alors que les trois autres, Anjouan, la Grande Comore et Moélie, sont regroupées au sein d'une république fédérale islamique. En 1973, Georges Pompidou promet l'indépendance au président du conseil du gouvernement de l'archipel, Si Ahmed Abdallah, un riche commerçant d'Anjouan. Mais le président français meurt prématurément. Abdallah négocie avec le candidat Giscard d'Estaing. Il fera voter pour lui si le futur président s'engage à donner l'indépendance aux Comores. Giscard, élu, tient parole. Quelques mois après son élection, un référendum est organisé, trois des îles optent massivement pour l'indépendance. Mais les habitants de Mayotte, eux, expriment leur volonté de rester français. Embarras de Paris. Abdallah exige l'indépendance pour l'ensemble de l'archipel, tandis que le gouvernement français, arguant du vote des Mahorais, considère que Mayotte doit demeurer dans l'orbite de la France. Abdallah, furieux, dénonce le néocolonialisme français et proclame unilatéralement l'indépendance des quatre îles. Un mois plus tard, il est renversé par un coup d'État, un putsch orchestré par le mercenaire Bob Denard et vraisemblablement initié par nos services secrets. Ce ne sera pas la seule intervention de Denard aux Comores. Il y reviendra en 1978 après son échec au Bénin et il restaurera le président Abdallah qu'il avait chassé trois ans plus tôt, encore une fois avec le soutien de nos services. Notons enfin, avant d'écouter M. X, que les Comores occupent une situation stratégique éminente. Au sortir du canal du Mozambique, elles se trouvent sur la route maritime du pétrole moyen-oriental. Dans un état latif et dans un monde de fourbes, il faudrait marcher droit. Dans un monde brut, il faudrait s'embrasser. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Les Comores ont joué un grand rôle dans la vie du mercenaire Denard. Et lui, qui a déjà semé pas mal d'enfants un peu partout en Afrique, il trouvera même le moyen de s'y convertir à l'islam sous le nom de Saïd Mustafa Hadjou et de prendre deux épouses selon la tradition musulmane. Eh bien, sa première intervention aux Comores se situe donc en 1975. Oui, il faut alors chasser le président Abdallah, qui refuse que l'île de Mayotte reste française. Le dirigeant comorien fait grand bruit, en appelle à la communauté internationale. Il convient donc de l'évincer. Son remplaçant est tout trouvé. C'est le chef de l'opposition de gauche, Ali Swali, qui a déjà affirmé son intention de rétablir des relations normales avec la France et qui prend le pouvoir au mois d'août. Mais tout n'est pas réglé, car Abdallah s'est réfugié dans son fief d'Anjouan. Et c'est là que Denard va intervenir, j'imagine. Bien entendu. Comment ça se passe ? Oh, le plus simplement du monde. Un beau jour de septembre, Bob Denard débarque d'un avion cargo, bourré d'armes, qui vient d'atterrir sur l'aérodrome de la Grande Comore. Il est naturellement accompagné de quelques amis qui composent sa vieille garde. À noter, détail très intéressant, que cette arrivée se déroule sous l'œil indifférent de quelques gendarmes français. Ce qui prouve pour vous le fait que les autorités françaises se trouvaient derrière cette affaire. Naturellement. Sur place, Denard recrute quelques dizaines de Comoriens. Il se rend sur l'île d'Anjouan où il arrête sans aucune difficulté le président Abdallah et ses proches. Ouais, coup d'État a parfaitement réussi. Et succès incontestable pour Denard qui peut repartir tranquillement en France. Ensuite, nous en avons longuement parlé la semaine passée, ce sera pour lui le fiasco de Cotonou en 1977. Mais pendant que Bob Denard prépare inutilement la déposition du président béninois, les choses se gâtent aux Comores. Que s'y passe-t-il alors ? Le président Swali, que la France a contribué à mettre au pouvoir, se révèle à l'usage bien ingrat. Non seulement il se comporte en dictateur, mais il opte lui-même pour le socialisme scientifique et proclame la révolution marxiste. Exactement comme Kérékou. Et comme bien d'autres dirigeants africains en ces années-là. Mais en plus, Swali se retourne contre la France, à qui il reproche avec virulence de ne pas vouloir rendre Mayotte aux Comores. Tout comme son prédécesseur. Et à Paris, on se dit que tout compte fait, il serait sans doute plus facile d'avoir à la tête de l'archipel un homme tel qu'Abdallah. Un grand bourgeois, un ami de Focard, que nul ne peut soupçonner d'être un révolutionnaire. Mais il a quand même accusé la France de néocolonialisme. C'est vrai, mais s'il revient au pouvoir dans les fourgons des mercenaires de Bob Denard et avec la bénédiction des services français, on peut peut-être espérer qu'il oubliera ses critiques et se résignera à accepter la tutelle de notre pays sur Mayotte. C'est donc ainsi que le 13 mai 1978, une date symbolique pour l'ancien partisan de l'Algérie française qu'est Denard, les mercenaires refont leur apparition sur la Grande Comore. Alors, encore un débarquement aérien ? Non. Ah, cette fois, Denard a choisi la voie maritime. Il arrive sur un morutier accompagné de 50 hommes. Et sans coup férir, il s'empare du pouvoir. Abdallah, qui coulait des jours paisibles à Paris, est appelé à revenir aux Comores, où il retrouve son poste de président. Et Swali, alors ? Il a été arrêté et emprisonné par Denard. Mais quelques semaines plus tard, au cours d'une prétendue tentative d'évasion, il est abattu. Exécuté, vous voulez dire ? Bah, ça y ressemble, en effet. Et que fait Denard aux Comores ? Le mercenaire, dès son premier séjour, a été séduit par ce pays paradisiaque. Paradisiaque si l'on ferme les yeux, bien entendu, sur la misère de ses habitants. Ah oui. Et entre deux coups en Afrique ou ailleurs, il va s'y installer durablement pendant une bonne dizaine d'années. On a même pu dire que Denard était en réalité le vice-roi des Comores. Vice-roi, c'est pas exagéré ? Absolument pas. Abdallah gouverne apparemment, mais c'est Denard qui commande en réalité. Il dirige la garde présidentielle, qui est la véritable force militaire des Comores, et l'armée privée du mercenaire. Elle regroupe des centaines de Comoriens commandés par une vingtaine d'Européens. Des mercenaires, eux aussi ? Bien sûr. Alors un petit mot sur ces gardes présidentielles qu'on a vu apparaître un peu partout en Afrique après la décolonisation. Et tout d'abord au Gabon. Une garde présidentielle, c'est une invention française. On y trouve généralement des mercenaires européens commandant à une petite troupe autochtone très encadrée, pour des régimes trop souvent instables et donc menacés en permanence. C'est une garantie de sécurité. J'imagine que certaines de ces unités ont été téléguidées par les services spéciaux français. Bah forcément, ça permettait de contrôler encore plus étroitement les chefs d'État, puisque leur sécurité était assurée par des hommes que nous contrôlions. Ouais. Mais en dehors de cela... Quelle est l'utilité exacte d'une garde présidentielle en Afrique ? Sa mission, comme son nom l'indique, c'est d'abord de protéger le président et ses proches. mais comme elle est indépendante de l'armée et qu'elle n'obéit qu'au président et à ses conseillers, elle permet d'entreprendre des actions illégales, de se livrer à des actes de police clandestins ou encore de liquider des opposants. Oh, c'est très pratique. N'est-ce pas? Mmh. Ça a permis de caser des mercenaires désœuvrés ou en mal de conflit. La NPA du mercenariat. En quelque sorte, oui. Malheureusement, il est parfois arrivé que ces gardes présidentielles, devenues trop indépendantes, se rebellent contre les chefs d'État qu'elles étaient censées protéger. Ouais. Enfin, ça, c'est un risque inhérent à toute création d'un organisme sécuritaire parallèle. Hein. Oui, donc, pour en revenir à Denard, en créant de toutes pièces sa garde présidentielle, il ne fait que reprendre une idée déjà mise en pratique dans de nombreux autres pays du continent africain. Mais Denard ne se contente pas de contrôler cette puissante garde présidentielle. Il fait aussi des affaires, beaucoup d'affaires. Attendez, avant d'examiner ce point-là, une garde présidentielle de plusieurs centaines d'hommes, m'avez-vous dit, hein, ça coûte très cher. Vous avez raison. Ouais. Alors est-ce que le petit État comorien a les moyens de se payer une telle force armée? Bien sûr que non, c'est impossible. Alors, qui paie? La France? Paris, via les services secrets, a déjà financé le retour du président Abdallah et l'expédition de Denard. La France ne veut pas ou ne peut pas en faire plus, même si, à l'occasion, elle ne répugnera jamais à donner un petit coup de pouce financier au chef mercenaire. Non, non, c'est l'Afrique du Sud qui va prendre en charge l'entretien de cette soldatesque, avec l'accord de notre pays, bien entendu. L'Afrique du Sud de l'apartheid. Oui, oui. Ouais. Mais ça ne gêne nullement Denard, qui, sa vie durant, a collaboré et combattu avec des extrémismes de droite. Mais l'intérêt de l'Afrique du Sud dans tout ça, là. Vous allez comprendre tout de suite. La côte du Mozambique n'est pas très loin des Comores. Or, là-bas, les Africains du Sud soutiennent militairement un mouvement de rébellion contre les autorités marxistes en place depuis l'indépendance. Ils souhaiteraient installer aux Comores une station d'écoute qui leur permettrait de surveiller toute la zone du canal du Mozambique. Ce que Denard est tout prêt à leur accorder. C'est évident. Ah, ouais. Et en contrepartie, j'imagine, Pretoria financerait la garde présidentielle de Denard? Mais l'Afrique du Sud s'est rendue vite compte que ça lui coûterait très cher en argent, mais aussi en armes et en matériel divers. Aussi, elle a voulu en avoir pour son argent et en a demandé beaucoup plus. Et c'est ainsi que s'est établie entre les Comores et le pays de l'apartheid une coopération tous azimuts. Une coopération qui a permis de dissimuler bien des coups fourrés. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Denard, séduit par les Comores? Certainement. Et si j'en crois cet article de Nouvelle Afrikasie paru en 1995, le mercenaire français a failli réaliser un rêve et assurer une excellente retraite à ses chiens de guerre, pour reprendre l'expression de Pierre Péan. Dans les années 70, Denard s'est entiché des Comores. Il peut y faire régner sa loi, faire et défaire les régimes. Il sait qu'il peut même y réaliser l'étape ultime de sa vocation, le joker des jokers, devenir roi. Avoir un territoire à lui seul, réalisation suprême du conte de fées, version affreux du Katanga. Mais il se doit de gérer son pouvoir local sous couvert d'un président noir, en l'occurrence Ahmed Abdallah, 11 ans durant, de préférence positivement corrompu et suffisamment réaliste pour comprendre qu'il ne doit son pouvoir qu'au beau vouloir conjugué de Bob Denard et de la France. Denard est le vigile de la France, officieusement accrédité dans ce territoire. En tout cas, avec ou sans lui, désormais le système Denard est toujours vivace aux Comores. Un système où des mercenaires peuvent souvent se refaire un statut en épousant des secrétaires d'ambassade ou en devenant de paisibles fermiers, qui conserve toutefois l'arme au pied au cas où. Vous avez parlé de coups fourrés. Oui, oui, la situation géographique des Comores, leur relatif isolement, facilitait tous les trafics possibles, au bénéfice de l'Afrique du Sud, d'abord. Mmh, bah c'était elle qui payait. Et le pays de l'apartheid, qui faisait l'objet de mesures d'embargo, justement, en raison de sa politique raciste, a souvent utilisé les Comores pour desserrer cet étau international qui pesait sur son économie. Comme par avant. Oui, des armes, des marchandises destinées à Pretoria ont transité par les Comores. Et des Africains du Sud ont bénéficié de passeports comoriens afin de se déplacer dans des pays hostiles. À cette époque, où Donard était tout puissant sur ce petit territoire, les Comores sont donc devenus une sorte d'appendice de l'Afrique du Sud. Mais la France pouvait-elle accepter que ce pays qui appartenait vraiment à la sphère francophone noue des liens aussi étroits avec Pretoria? Oh, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu parfois des grincements de dents à Paris, mais globalement, la France se contentait d'une situation qui, au fond, l'arrangeait. D'abord parce que nous avions des intérêts stratégiques communs avec l'Afrique du Sud. Enfin, je ne peux pas tout développer, ce serait beaucoup trop long. Enfin, on peut tout de même expliquer un peu, non? Eh bien, bon, écoutez, ce n'est qu'un exemple. La France n'était pas mécontente de voir l'Afrique du Sud combattre le régime marxiste et pro-soviétique de Mozambique. De la même façon, Paris et Pretoria, sous la première cohabitation, soutenaient activement l'UNITA de Savimbi. En Angola. Et là aussi, il s'agissait de combattre l'influence soviétique sur le continent africain. Mais pour revenir à mon propos, grâce aux Comores, certains hommes d'affaires français pouvaient tourner l'embargo qui frappait Pretoria. Et d'après vous, avec l'accord des autorités françaises? Disons que Paris ne pouvait pas ignorer. Non seulement parce que Donard rendait compte régulièrement, mais aussi parce que les services spéciaux avaient des agents sur place. Enfin, ça a permis aussi à la France de se livrer à quelques trafics discrets. C'est-à-dire? Dans les années 80, Paris a été confronté à la question très préoccupante de nos otages au Liban. Nous en avons souvent parlé, d'ailleurs. Oui. Et c'était Téhéran qui détenait la clé de cette affaire. Téhéran qui contrôlait les preneurs d'otages. Bien sûr. Et les Iraniens engagés dans une guerre meurtrière contre l'Irak avaient un besoin urgent d'armes. Parce qu'ils étaient eux aussi frappés par un embargo international. Alors via les Comores et avec l'espoir d'Amadoué Téhéran, des armes ont été discrètement livrées aux Iraniens. Décidément, vous le voyez, la position exceptionnelle des Comores et son contrôle par Bob Denard arrangeaient beaucoup de monde. Tout à l'heure, vous avez dit aussi que le mercenaire faisait des affaires. C'est évident. Une des chances des Comores, c'était le climat et les plages. Il était donc tentant d'y développer le tourisme. Et Denard s'y est attelé. Il a favorisé la construction par une chaîne internationale d'un hôtel de luxe. Et il a mis en place toute une structure qui prenait en charge les touristes dès leur débarquement sur l'aéroport de la Grande Comore. Automobile, transport des bagages, séjour, sécurité, tout était assuré par une société créée par Denard et ses hommes. Et dans son esprit, ce n'était qu'un début. Ah oui, parce qu'il avait d'autres projets. Oui, il voulait faire des Comores un paradis pour touristes. Et il était certain de compter sur des capitaux sud-africains. Mais au-delà, il y avait aussi une ambition que Denard voulait absolument réaliser. La création d'un corps de mercenaires permanents qu'il pourrait mettre à la disposition de tel ou tel, en fonction des besoins et des conflits. Et ça aussi, ça intéressait l'Afrique du Sud, qui était engagée dans de nombreuses guerres post-coloniales, comme en Angola ou au Mozambique. Et pour Denard, je pense, le noyau dur de ce corps de mercenaires, ça devait être la garde présidentielle comorienne. Oui. Et cette brigade volante de mercenaires, on peut l'appeler ainsi, a-t-elle effectivement combattu? Une seule fois, à ma connaissance, au Tchad, en faveur d'Issénabré contre les Libyens. Une intervention brève et sans lendemain. Mais Denard avait programmé d'autres opérations que son départ des Comores a naturellement fait capoter. J'ajoute que cette garde prétorienne lui permettait aussi de régner d'une main de fer sur les Comores. Grâce à ses hommes, il avait installé un véritable réseau d'espionnage et de surveillance. Parce qu'il y avait des opposants? La bourgeoisie et la petite armée comorienne subissaient de plus en plus difficilement la tutelle de Denard. Et à plusieurs reprises, le mercenaire a dû déjouer des tentatives de coup de force. Certains de ses hommes y ont, semble-t-il, trouvé la mort. Par conséquent, Denard était sans cesse sur ses gardes. Et le président Abdallah? Lui aussi en avait soupé du mercenaire et de sa garde présidentielle. Songez que Denard a régné plus de 10 ans sur les Comores. Et ce que le président craint par-dessus tout, c'est qu'un jour, Bob Denard ne le dépose et prenne carrément le pouvoir. Abdallah a peur, alors. Il a peur, oui. Il se sent prisonnier dans son propre pays. Il le fait savoir à la cellule africaine de l'Élysée lors d'un voyage en France. Il essaye même de convaincre le capitaine Baril de l'aider à se débarrasser du mercenaire et de ses hommes et d'assurer sa sécurité. Mais Baril, pour une fois prudent, s'esquive. Il n'a pas envie d'affronter Denard, c'est ça? C'est ça, c'est beaucoup trop risqué. Et je suis à peu près sûr que la DGSE lui a fermement recommandé de ne pas se mêler de cette affaire. Mais cette rencontre va avoir un effet important. Denard a été informé de la rencontre entre le président et l'ancien gendarme. Mais comment ? Exactement, je ne sais pas, mais on peut imaginer que de bons amis de Denard dans les services secrets l'ont informé. Et cette manœuvre n'était sans doute pas innocente. Que voulez-vous dire ? On voulait peut-être pousser le mercenaire à passer à l'action. C'est-à-dire ? À se débarrasser du président Abdallah ? Je le pense, oui. Et je le rappelle, fin 1989, Abdallah sera tué dans des circonstances très curieuses. Mais on y reviendra, si vous voulez bien. Oui. Mais il faut tout de suite dire que Denard et ses hommes accusés d'avoir assassiné le président Abdallah seront blanchis par une cour d'assises française. C'est parfaitement exact. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'on a pour autant élucidé cette affaire. Elle a été jugée. Enfin, je vous le promets, on en reparlera. D'accord, mais pourquoi alors aurait-on voulu pousser Denard à liquider Abdallah? Parce qu'on avait jugé qu'aux Comores, ça devait enfin changer. Mais quoi, la mainmise des mercenaires sur ces îles? Évidemment, mais pas seulement ça. Abdallah était jugé trop embarrassant. Il persistait à demander le rattachement de Mayotte à la Fédération des Comores. C'était chez lui obsessionnel, et ça agaçait Paris. Il fallait donc un jour ou l'autre tourner la page. Attendez quand même. Vous dites, on avait jugé que ça devait changer, mais qui se cache derrière ce « on » ? L'Afrique du Sud et la France. Ensemble ? Ensemble, oui, aussi surprenant que cela paraisse. Il faut quand même m'expliquer ça. C'est ce que je vais faire, rassurez-vous. L'Afrique du Sud, d'abord. Là-bas, les choses commencent à changer. Et dans les milieux influents, depuis l'arrivée au pouvoir de Frédéric de Klerk, on se dit qu'il faudra bien en finir un jour ou l'autre avec la politique d'apartheid qui isole le pays au sein de la communauté internationale. Ça signifie aussi prendre ses distances avec les alliés d'hier. Et parmi eux, Denard. Denard en particulier. Denard qui coûte très cher et à qui peu à peu on diminue le montant de l'aide financière. En principe, c'est un signe qui ne trompe pas. Le mercenaire a parfaitement compris. Et se demande comment, à l'avenir, il pourra payer les membres de sa garde présidentielle. Mais est-ce que c'est aussi une façon de le pousser à la faute, c'est-à-dire de tenter l'impossible pour durer ? Et assurer lui-même le pouvoir ? Oui, en puisant directement dans les caisses de l'État pour payer ses hommes, par exemple. C'est une hypothèse à laquelle je n'avais pas pensé, mais pourquoi pas ? Oui. Et la France, alors, son intérêt, après tout, Denard a toujours été un serviteur fidèle, non ? C'est vrai. Mais à Paris, où Mitterrand a été réélu après la première cohabitation, on considère que la présence du mercenaire aux Comores commence à faire tâche. On aurait pu s'en apercevoir avant. C'est tout à fait juste. Mais le nouveau gouvernement français... Rocard, oui. C'est ça, hein. Qui considère, en accord avec la cellule africaine de l'Élysée, qu'il faut faire un geste et mettre un point final à l'activité des mercenaires français en Afrique. Il en va de l'image de la France. C'est ainsi qu'on va faire coup double, se débarrasser du président Abdallah et éloigner Bob Denard des Comores. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Jean-Christophe Mitterrand, qui était à l'Élysée le responsable de la cellule africaine, a publié assez récemment un livre de souvenirs. Il parle des Comores, je le cite. Plusieurs mois avant sa mort, le président Ahmed Abdallah me reçut dans son petit appartement parisien. Rendez-vous de routine pour ma part, aucun dossier particulier n'étant en souffrance, si ce n'est la garde présidentielle dirigée par Bob Denard et ses mercenaires et financée par l'Afrique du Sud. C'était une décision souveraine des Comores et jamais mon père n'en avait fait une situation de blocage, mais elle desservait la réputation en Afrique et ailleurs de ce petit archipel. Je n'avais jamais été chargé de lever officiellement la question d'honneur avec le président. Tout à coup, il aborda le sujet et me dit « J'ai l'intention d'arrêter le contrat qui me lie à Bob Denard et aux mercenaires, mais je ne peux pas couper la tête de la garde présidentielle sans préparer la relève de son encadrement. Au cas où je prendrais cette décision, la coopération française est-elle prête à prendre en charge son encadrement ?» Je fis une réponse de circonstance. « Je ne suis pas habilité à vous répondre, cela dépend du président et des ministres concernés. Je veux lui faire part tout de suite de votre souhait. » Dès mon retour, je rédigeai une note de quelques lignes. Elle me revint le jour même avec la mention « oui ». Mais, d'après Jean-Christophe Mitterrand, à l'Élysée, on décide de garder le secret tant qu'Abdallah n'aurait pas fait connaître lui-même sa décision. Et pourtant, Denard est informé. Et le fils du président français ajoute « Je n'ai jamais su d'où avaient pu venir les fuites, mais il y avait trop d'intervenants dans cette affaire pour que la décision du président Abdallah de se séparer des mercenaires pût rester secrète. » Le livre de Jean-Christophe Mitterrand, intitulé « Mémoire meurtrie », a été publié chez Plomb. C'est une nuit de novembre 1989 que le président Abdallah est abattu. Dans le bureau du chef d'État se trouvent quatre hommes, Abdallah, Denard et deux de ses adjoints, des mercenaires de la garde présidentielle. La veille, le président a téléphoné à un de ses contacts à Paris pour dire une nouvelle fois qu'il avait peur. Peur. Mais que se passe-t-il exactement ce soir ? Examinons d'abord la version Denard. Le mercenaire et ses deux adjoints font irruption dans le bureau présidentiel pour l'informer que l'armée est en train de prendre le pouvoir. On a effectivement entendu des tirs à proximité du palais. Denard, c'est toujours sa version, demande alors au président un ordre écrit autorisant ses propres hommes à désarmer les militaires. Et Abdallah accepte ? Il hésite, mais finit par signer. Toutefois, la discussion a dû être vive. À cet instant, le garde du corps du président, un certain Jaffar, alerté par la discussion orageuse qui vient d'avoir lieu dans le bureau du président, entre. Il voit Denard près du président. Il pense que Abdallah est en danger et tire une rafale de mitraillette. Denard a le temps de se jeter à terre et c'est le président qui encaisse les balles. Ensuite, Jaffar est abattu par un des adjoints de Denard. Un peu rocambolesque, non ? Ah, n'oubliez pas que le mercenaire a été innocenté par la justice française. Je veux bien, enfin, vous ne m'empêcherez pas de penser que cette version est pour le moins bizarre. Surtout quand on sait que l'armée comorienne ne fomentait nul coup d'État et que son chef, le commandant Mohamed Hamed, se trouvait alors sur l'île d'Angemonde. Et les coups de feu, alors qu'on a entendu autour du palais présidentiel Ils ont pu être tirés par d'autres hommes que des militaires, des mercenaires de la garde présidentielle, par exemple. Pour faire croire au coup d'État. Bien sûr. Et la suite ? Le président Abdallah étant mort, Bob Denard est alors le détenteur du pouvoir. Il réalise son rêve, là. Son rêve, oui. Il n'a plus de président fantoche au-dessus de lui. Et la première chose qu'il fait pour accréditer sa thèse du coup d'État militaire, c'est de faire rechercher le chef de l'armée. Ce commandant, Mohamed Ahmed, c'est ça ? Oui, un commando de la garde présidentielle débarque sur l'île d'Anjouan dès le lendemain de l'assassinat d'Abdallah. La maison du chef de l'armée est localisée, mais Ahmed a entendu du bruit. Il se cache dans un coin de sa chambre. Quelques instants plus tard, une roquette pulvérise la pièce, mais le commandant en réchappe miraculeusement. Le but était donc de le tuer. Vous avez une autre hypothèse ? Bah non. Ensuite, Ahmed sera arrêté, mais il sera difficile de le liquider. Ouais. Alors, si je comprends bien, Denard a donc maintenant les pleins pouvoirs. Oui, ça ne va pas durer. Car la deuxième phase de l'opération prévoit son départ des Comores, et ça va aller très vite. Quelques jours après la mort du président Abdallah, quatre navires de guerre français se rassemblent à Mayotte. En principe, ils doivent évacuer les Français des Comores. Mais leur présence ne peut pas tromper Denard. C'est son départ qui est programmé. Et bientôt, des centaines de parafrançais arrivent à Moroni, la capitale de la Grande Comore. La garde présidentielle ne réagit pas ? Non. Tout a été négocié d'avance entre Paris, Pretoria et Denard. Le mercenaire a obtenu sans aucune difficulté la possibilité de partir pour l'Afrique du Sud. et même la promesse qu'il ne serait pas poursuivi par la justice. Une promesse qui ne sera pas tenue. Hein. Ah, que voulez-vous, il existe aujourd'hui des juges qui veulent à tout prix s'émanciper. Oui. Mais pourquoi, enfin, en 1989, tant de clémence pour Denard, parce que c'était facile de l'arrêter. C'est certain. Mais le mercenaire en savait beaucoup, beaucoup trop, à la fois sur la France et l'Afrique du Sud. Par conséquent, il était bien plus sage pour tout le monde de lui offrir un exil doré à Pretoria. Et pourtant, en 1993, hein, il est de retour en France. Oui, officiellement, il tient à répondre devant la justice de sa responsabilité dans l'affaire de Cotonou. Mais il se peut aussi que les Africains du Sud, en quête de respectabilité, aient décidé de se séparer d'un hôte aussi encombrant. Donc en 93, il est jugé. Hein. Et comme vous le savez, grâce à un défilé impressionnant d'anciens des services qui le décrivent tous comme un homme d'honneur et un fervent patriote, il est condamné à 5 ans de prison avec sursis. Ses témoins affirment donc implicitement qu'il avait agi au nom de la France. Oui, à la demande des services spéciaux de notre pays avec l'accord des responsables politiques. Denard est donc immédiatement libéré. Toutefois, il est soumis à un contrôle judiciaire qui lui interdit de quitter la France. Parce qu'on a peur qu'il récidive. Certainement, parce que Denard n'est pas homme à dételer. Et en effet, il continue à grenouiller dans les milieux où on recrute des mercenaires. L'extrême droite, les services d'ordre, les associations d'anciens des armes d'élite, paras ou légionnaires. Je crois qu'il crée même une ou plusieurs sociétés spécialisées dans la sécurité. Mais enfin, peu importe. Car en 1995, le vieux corsaire, comme il s'appelle lui-même, va replonger. Et aux Comores, encore une fois ? Décidément, il est attiré par cet archipel où il possède un important patrimoine. En septembre, donc, avec une brochette de mercenaires français, il débarque d'un vieux cargo. Et avec une facilité déconcertante, il s'empare du président Johar, le successeur d'Abdallah. Avec une facilité déconcertante, dites-vous. Oui, il n'y a aucune résistance. Et pourtant, Denard n'a qu'une vingtaine d'hommes avec lui. Alors comment expliquez-vous cela ? Bon, c'est très simple. Nos services secrets contrôlent tout aux Comores. La nouvelle garde présidentielle, mais aussi le renseignement. Ça veut dire qu'une nouvelle fois, Denard agit en connivence avec les services français. Naturellement. Mais cette fois-ci, là, quel est l'objectif poursuivi ? Encore une fois, changer de président aux Comores. Décidément, enfin, vous en êtes sûr ? Absolument. Car notez bien ce qui va se passer. Quelques jours après le débarquement de Denard, des forces spéciales françaises, paras, commandos de marine, gendarmes du GIGN, arrivent à leur tour aux Comores. Denard fait aussitôt savoir qu'il ne résistera pas. Et il se rend. Oui. Voilà. Et comme il n'a pas respecté le contrôle judiciaire auquel il était soumis, il est arrêté. Ça lui vaudra de passer quelques temps à la santé dans le quartier réservé aux personnalités. Mais ça ne durera pas. Le président Johar, lui, est libéré par les militaires français, mais très curieusement, on le conduit à La Réunion, tandis qu'un autre homme s'installe à sa place au pouvoir avec la bénédiction de Paris. Étrange, non ? Ouais. La tentative de Denard n'aurait donc eu pour but que d'éloigner Johar. Je le pense. Tout ça a été cousu de fil blanc. Mais expliquez-moi, là, que lui reprochait-on à ce président Johar ? D'être, prétendait-on, excessivement corrompu, mais surtout d'entretenir des liens un peu trop étroits avec les Iraniens. Et Paris ne pouvait pas accepter que sur un archipel qui faisait partie du précaré français s'installe un foyer islamique qui aurait pu rayonner dans la région et même peut-être en France. Alors voilà pourquoi Denard a été envoyé là-bas. Denard qui ne trahira jamais ses commanditaires et ne s'expliquera jamais sur l'origine de l'argent qui lui a permis d'organiser ce coup. Sans doute le dernier de sa tumultueuse carrière. Bob Denard, septuagénaire, est maintenant un retraité du mercenariat. Mais d'autres mercenaires sont prêts à agir dès lors qu'on les paye. Dans un article de la revue Croissance, Jean-François Bayard fait ce constat assez effrayant. Dans le monde néolibéral, la guerre est désormais privatisée, au même titre que l'économie et la politique publique de l'État. Les autorités publiques sous-traitent désormais au secteur privé un nombre grandissant de fonctions de souveraineté. Elle ne s'en désintéresse pas pour autant et en garde le contrôle direct, ne serait-ce que par l'intermédiaire du pantouflage et du chevauchement. L'intervention des privés de la sécurité favorise la militarisation du jeu politique en levant des milices locales et en important de nouvelles armes. Elle transforme l'enjeu politique de la paix civile en enjeu commercial ouvert à la concurrence. On voit mal l'intérêt que les privés de la sécurité trouverait dans le maintien d'une paix perpétuelle qui les écarterait d'un marché si lucratif. Ajoutons que ce sont des sociétés anglo-saxonnes qui dominent ce marché du mercenariat. Mais en France, où les sociétés de sécurité pullulent, Les troupes de choc des partis d'extrême droite, et en particulier le service d'ordre du Front National, le fameux DPS, constituent des réserves d'hommes prêts à tout moment à se transformer en mercenaires. Et il faut enfin remarquer que sur ce marché lucratif, on retrouve aussi la plupart des anciens de la cellule de l'Élysée. À samedi prochain, je vous rappelle notre site internet franceinter.com, un site qui vous permet de nous écrire et aussi de réécouter cette émission.